plus attendre, ne plus espérer, ne plus se laisser distraire, désarçonner, faire effraction. Ne plus attendre, ne plus espérer, ne plus se laisser distraire, désarçonner, faire effraction. Agir en conséquence. Essayer, rater, essayer encore. Rater, essayer encore. Je veux. Essayer, rater, essayer encore. Rater encore. Rien ne manque au triomphe de la civilisation. Non mais rien ne manque, ouvre les yeux. Non, rien ne manque au triomphe de cette civilisation. Rien ne manque au... Le désert ne peut plus croître de partout, mais il peut encore s'approcher. Wake no hope. Vole la tête de l'évidence devant l'imminence. Et ceux qui réalisent que mon combat l'évidence de la catastrophe. Chacun part en chez soi, où tu accueilles tout le monde. Chacun chez soi, un passeport sanitaire. Le combat, c'est un grand chef-soi. Cause music got no borders. Pour qui la fin de cette civilisation n'est pas la fin du monde. À ceux qui voient l'insurrection comme une brèche d'abord dans le règne organisé de la bêtise, du mensonge et de la confusion. À ceux qui devinent derrière l'épais brouillard de la crise du théâtre. Manœuvre, stratégie, théâtre. Stratégie contre-attaque, à ceux qui portent des coups, à ceux qui guettent le moment propice, à ceux qui cherchent la complice, à ceux qui portent des coups, à ceux qui tiennent bon, à ceux qui s'organisent. Impossible. Thank you. passion, l'émotion. Malheur à celui qui danse, chaque relance à mourir.

Enlacer nos corps. Come on, Rob, you got the lead. Refuser toute allégeance. Rhizomatic system. Petit cercle d'influence. Humilité. Être prêt. Quand même. Faire face. Thank you. Human condition.